Ce gosse que mes parents voyaient à travers la vitre. Les médecins disaient qu'il me restait même pas une année à vivre. Chimiothérapie, piqûre, traitement aléatoire. Nombreux allers-retours entre mon lit et le bloc opératoire. Maman ne pleure pas si je pars, toi faut que tu survives. Les chances de m'en sortir apparemment sont de 1 sur 10. La force est venue de votre amour passionnel. Je passe d'un état critique à un état stationnaire. J'ai des tuyaux dans les veines et dans la bouche. À cette époque, les mots chantés espoir traînent dans la boue. Et les prières continueront tant que j'aurai un souffle. Apparemment celles-ci ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Ils disent y'a rien à faire, j'ai pas moi essayé. Car pour l'instant mes parents vivent un vrai cauchemar éveillé. À 3 ans, j'ai déjà 2 ans d'hôpital sur le CV. 22 ans après, je grave ma petite histoire sur le CV. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment. Maintenant je rappe, on me dit t'es obligé de vendre. Je m'en tape, je vais sortir de l'auto les billets de vente. Mental d'acier, vu qu'on m'a bousillé le ventre. Je m'engage, épée dans la main droite, le bouclier de vent, j'en place une pour les enfants oubliés, je pense à vous. Quel que soit le pays ou quartier de France, j'avoue, je m'en suis sorti, c'est pas pour essuyer le banc. Je suis là pour briller, collectionner les billets de banque. La roue tourne, je suis payé à gaspiller de l'encre. Fini les prises de sang, les médecins habillés de blanche, bois rouge. Les jaloux prient pour me voir pisser le sang. Ils ont la haine de voir un petit miraculé plier le sample. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment. Voici le petit miraculé sorti des salles de soins. Ça sonnait occupé quand la mort essaya de me joindre. J'ai survécu grâce à l'espoir et les médicaments. Enfant malade à vie, c'est pour vous ce morceau évidemment.